Allô, bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du podcast Toto, émission du 20 janvier 2015. J'espère que vous allez bien. Luc Desormeaux au micro et ce soir, j'ai deux de mes collègues amateurs d'automobile. Je vais commencer avec Martin Sagala. Salut Martin. Oui, salut Luc. Ça va bien? Oui, on essaie très fort. On essaye de se maintenir. Oui. Et puis Jean-François Beaulieu, salut Jean-François. Salut, ça va? Ça va toi? Numéro 1. Numéro 1, hey, c'est merveilleux ça. Yes. Bon, ce soir, on va faire une émission sur les deux salons de l'auto du mois de janvier. Celui de Détroit, qui est le plus gros. Non, je n'y étais pas cette année. J'y étais il y a quelques années, mais cette Moi année, non plus. Non, toi non plus. On était là en même temps, donc c'est là qu'on s'est rencontrés, Martin. Oui, d'ailleurs. Oui. C'est pas rencontré au Québec, il a fallu qu'on se rencontre à Détroit. Loin de chez nous. Oui, c'est ça, on avait été au salon invité par Ford dans le temps, je pense, en 2012. C'est ça, 2012? Je pense que c'était 2013. 2013, parce que j'ai été 2012-2013. Je t'ai rencontré la deuxième année. OK, donc 2013. C'est 2013. Ouais, c'est ça. On avait été voir ça l'année avant qu'il lance la Mustang là-bas. ça tombait juste triste, mal de même. Comme ça. Ouais, ça, c'est pas... J'ai vu la première mondiale de la fusion. Ça avait pas. C'est bien, mais c'est pas le même panache. Ça n'a pas le même poids. Donc, c'est ça. Donc, Détroit. Qui est un beau salon, puis on va parler aussi du salon de Montréal, bien sûr. Salon qui se termine ce dimanche, donc si vous voulez y aller, c'est pas mal le temps, là. C'est un beau salon cette année, il y a beaucoup de choses à voir, donc je vous invite à aller faire un tour si vous êtes un petit peu amateur d'auto, que vous vouliez juste rêver ou si vous voulez vous magasiner quelque chose, c'est la meilleure place. Jean-François est allé parce que Jean-François pense changer son Cobalt. Ouais. Pour quelque chose de plus récent. Donc, Jean-François est allé au salon, puis on va vous en parler un petit peu plus tard. On va commencer par le salon de Détroit. Chevrolet a présenté la nouvelle Volt sans grande surprise. On le savait que ça s'en venait. C'était Claire qui allait l'annoncer là. Il l'avait dit. Je parlerai pas beaucoup des voitures électriques parce qu'on va en parler la semaine prochaine avec Simon-Pierre Rioux, notre spécialiste de voitures électriques. Puis on va aussi en parler avec Philippe Louissez de Écolocation. C'est deux gars qui suivent l'actualité des voitures électriques beaucoup. Donc on va attendre puis on va en parler avec eux autres la semaine prochaine. Mais bon, juste pour vous dire vite vite, oui, la nouvelle Volt a été lancée. Non, pas beaucoup d'autonomie de plus. Nouveau moteur. Cinquième place. Puis des choses comme ça. Mais on va en parler plus en détail la semaine prochaine. Ils ont aussi lancé la Bolt, une autre voiture électrique. Ça aussi, on va en parler un peu plus la semaine prochaine avec des connaisseurs. Mm-hmm. Moi, ce qui m'a marqué à Détroit, c'est Ford qui se rembarque avec la Ford GT. Puis j'ai dit ça avec un gros sourire sur ma face. Il y avait des rumeurs comme quoi que Ford présenterait peut-être une nouvelle Ford GT dans un avenir rapproché, mais là, il y a beaucoup de monde qui disait « Ah non, ça se fera pas, c'est pas un produit payant pour une compagnie comme Ford. C'est pas Ferrari. Hein. Je veux dire, c'est pas leur seul produit. Ils peuvent pas vendre ça 400 000. Fait que faut vraiment que tu sois dans une gamme de prix pas trop élevée pour être capable d'en vendre. La Ford GT, quand même, qui a sorti, je me trompe pas, en 2004 et 2006, a quand même fait sa marque dans le monde de la voiture exotique. Le monde en parle encore aujourd'hui. C'est une voiture qui était super intéressante. Avait un son de la mort qui tue, qui sortait de là. C'était vraiment intéressant, mais bon, ça a été une production quand même assez limitée, puis il y avait des gros doutes sur le fait que ça revienne. Et puis Ford qui annonce, à la grande surprise de tous, pas mal, qui se relançait dans la Ford GT. Donc, ils l'ont présenté à Détroit. Ça va rentrer en production à la fin de l'année prochaine, au courant de l'année prochaine, puis ça va être un modèle 2017. Attendez-vous pas à voir ça chez votre concessionnaire Ford du coin, là. Ça va être en quantité extrêmement limitée, puis probablement un prix de 200 000 $ et plus, là. Mais le design de cette voiture-là est vraiment incroyable, de la manière qu'ils ont fait ça. Quand on regarde à l'arrière, il y a des trous béants qui servent d'ailerons probablement pour mettre la voiture le plus possible sur la route et non dans les airs. Mais on reconnaît la Ford GT. Là. On la regarde du devant, puis c'est clair que c'est une Ford GT avec les grandes encavures dans le capot, là, c'est clairement On une l'a Ford fait GT. évoluer contrairement à la dernière fois où on l'avait juste pour dire adapté. C'est ça. Ouais. Finalement, la dernière fois, c'était on prend le vieux modèle puis on refait exactement la même chose avec quand même On des recommence améliorations. en moderne, un peu la façon qu'ils faisaient des restos mods, si on veut, là, sur des vieilles autos. Ouais. Fait que magnifique, vraiment, la nouvelle Ford GT. Non, je n'aurai pas l'occasion de la conduire, je vous le dis tout de suite, c'est sûr, certain. Je ne suis même pas sur la liste de ceux qui vont peut-être pouvoir avoir la chance De de. la regarder. C'est ça. Ouais. En photo, sûrement. Donc, c'est ça. C'est hors de portée. Ils ont aussi présenté deux autres produits. Ford sont allés fort cette année, puis ils veulent vraiment faire une marque dans le monde de la voiture de performance. Nouveau Raptor, nouveau F-150 SVT Raptor. Bon, avec un V6, au lieu d'y aller avec. D'y aller avec un V8 comme avant, ils vont avec un V6 turbo compressé. C'est un V6 de 3,5 litres. On a fait grincer plusieurs. Qui en a fait grincer plusieurs, mais puis là, c'est la Comme même affaire. moi, C'est la même affaire pour la Ford GT. Hein. La Ford GT, c'est plus un V8, c'est ça un aussi, il y en a beaucoup qui ont crié. V6 biturbo qui va produire plus que 600 chevaux. Mais à un moment donné, V6 ou V8, l'important c'est quoi? L'important Qu'est-ce qui c'est sort? la puissance au bout. Faut pas que ça soit le son, en tout cas. Non, c'est ben le son, ça peut être modifié aujourd'hui. Ils sont capables de faire sonner quelque chose quand même d'assez bien. Ford, V6 reste un oui, V6. un V6 reste un V6, mais Ford avait réussi à faire sortir un son d'un V8 d'une Focus ST. Hein? Fait que on est capable de jouer avec le son pour ce qui sort à l'autre bout soit intéressant. Donc j'ai aucun doute que ça va quand même faire lever le poil de ses bras quand que ça va partir ce bébête-là. Oh, ça. Donc ça, l'SVT Raptor, un V6 turbo de 3,5 litres, fait que ça, le V8 sort de là. Puis il va y avoir une transmission automatique à 10 vitesses. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va travailler avec cette puissance-là. La puissance du moteur n'a pas été annoncée encore, là, mais on s'attend que ça va être quand même assez élevé parce que le Raptor est quelque chose d'assez puissant et capable de faire du hors-route. J'ai hâte de voir comment ça va se comporter, cette merveilleuse bibite. Puis, dernière et non la moindre, la Shelby GT 350R. Je l'ai vu. Wow. Donc, R pour Racing, donc pour la course, qui va être une voiture légale pour la route aussi. Fait que finalement, ce que Ford est en train de faire, c'est que la GT 350, c'est un peu bon l'équivalent en plus puissant de la Boss 302. Puis là, là c'est l'équivalent de la Boss 302, Laguna Seca. Finalement, c'est deux versions de la Boss 302 que Ford avait sorti. On fait similaire avec la GT 350, c'est juste que la version Laguna Seca de la Boss 302 n'était pas légale sur la route. La GT 350R devrait l'être. C'est quoi la GT 350R? Ben, c'est une GT 350, pas de siège arrière, pas de climatiseur, pas de système audio, vraiment tout nu. C'est Stripé en bon français. strippé, c'est le moins de poids possible pour que la puissance soit le plus efficace possible. Mais vous allez pouvoir annuler tout ça et vous commander un kit confort qui va vous donner un climatiseur à double zone, un écran tactile, la navigation, système audio à 7 haut-parleurs, puis tout ça. Fait que Ford va pouvoir enlever du poids, vous allez pouvoir en rajouter. Mais j'imagine, veut pas, vous n'aurez pas de siège arrière. Puis là, on parle d'un V8 de 5,2 litres qui va avoir à peu près 600 chevaux aussi. Ça va être quasiment aussi puissant que la Ford GT. Puis une transmission manuelle à 6 rapports. Non, il n'y a pas de transmission automatique dans les Shelby. Pensez-y pas. Ça, supposément que ça va être disponible un petit peu plus tard au courant de l'année. Donc, je dirais peut-être automne. Ford sont partis pour lancer les Mustangs à l'automne. Fait que peut-être que cette Mustang-là va sortir à l'automne aussi ou fin de l'été. Fait que quand même intéressant. Elle a un look intéressant. Elle a l'air assez méchante. Puis Ford a présenté toutes leurs affaires dans le bleu. Fait que c'est pas mal le même bleu pour tous leurs produits. Puis avec ça, ben, ils ont mis une image sur Internet avec leur gamme de voitures à caractère sportif, donc la Fiesta ST, la Focus ST, la Ford GT, le Raptor, puis les Mustang. Donc, ils vont avoir une belle panoplie de voitures à caractère sportif dans leur gamme de modèles cette année. Ça va être, ben cette année puis les années à venir, là, ça va être assez intéressant. J'ai juste revenu sur la Ford GT. Ouais. Dès que la Ford GT est sortie, il y a des dessinateurs, des designers qui ont refait le modèle avec le logo de Golf et le logo de Martini, les deux véhicules qui sont des légendes au 24 heures du Mans. Ouais. Donc, déjà, les dessinateurs ont comme sauté sur l'occasion de rendre ce modèle encore plus légendaire encore. Ouais, je suis sûr que la photo n'était même pas finie d'être uploadée sur Internet, que les logos étaient déjà prêts à coller sur l'auto. Sûr. Puis, ouais, c'est vrai. Puis si on parle jeux vidéo un peu, ceux qui font Turn 10, la compagnie qui font Forza Motorsport, ont annoncé que la nouvelle Ford GT va être dans le Forza Motorsport 6. Donc, vous allez pouvoir voir intérieur-extérieur cette auto-là dans la prochaine version de Forza. Puis, je pense que c'est annoncé pour l'automne ou quelque chose comme ça, là, mais ça s'en vient. Fait que ça va être intéressant. À part de ça, Martin, quand on avait été à Détroit, t'avais-tu été voir la Cura NSX? Oui, mais j'avais vu le lancement de la NSX, le lancement le prototype de la NSX. Ouais, c'est ça. Fait que là, cette fois-là... Le levier de porte de garage puis la boucane. Ouais, c'est ça. Là, finalement, on a la version de production qui a été présentée. Ça devrait... Qui est très proche. Ouais, qui est quand même assez proche. Le look est proche, mais ils ont changé la motorisation complètement. À un moment donné, ils parlaient d'un V10 puis avec des moteurs électriques. Là, on s'en va avec un V6. Ouais, c'est ça. Puis là, on s'en va avec un V6 double turbo. Puis trois moteurs électriques. Ça va faire 550 chevaux. Fait que c'est une hybride. Regarde, ça a un look assez incroyable. J'ai hâte de voir le prix. J'ai lu à quelque part. C'est aussi incroyable. Ouais, ben j'ai lu à quelque part que ça pourrait être 150 000. Si c'est 150 000 pour une voiture comme ça, c'est quand même un deal. Parce qu'on va le voir. Ben, c'est un deal, je veux dire. Si on regarde. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est si on peut dire qu'un véhicule de 150 000 est un deal. C'est ça. Mais tu sais, si on regarde contre quoi ça veut compétitionner, ça veut dire, tu sais, des Ferrari, des choses comme ça, c'est quand même pas si pire. Tu sais, quand tu dis qu'une GTR, c'est le plus abordable, c'est quoi, 110 à peu près? 110, 115 000, une GTR? Là, on parle de 150 pour une voiture hybride. La nouvelle GTR est supposée sortir aussi dans les prochaines années. Puis il y a des rumeurs aussi que ça s'en va hybride. Ils s'en vont toutes faire des voitures de super sport hybride, là. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais la Cura NSX, quand même assez jolie comme voiture. C'est pas laid pas en tout. RAM ont décidé de sortir une version pour compétitionner au Raptor, qui est le RAM... Ça m'a donné gravement mal au cœur. Rebel. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas aimé? C'est mon côté de même, mais c'est un ancien nom d'American Motor. Oui. Puis j'en ai un stationné dans ma cour qui est une auto. Au lieu d'être un RAM avec une moustache puis des kits en plastique, ouais. Ça me fait un peu de peine. Ouais, mais bon. Mais c'est juste... déjà que c'est juste un kit d'esthétique. Là, à proprement parler, ça suivra jamais un Raptor nulle part. Ben, si tu veux suivre un peu le Raptor, faut que tu mettes le V8 dedans. Là. Puis encore là, le V8 va produire quoi? 395 chevaux, je pense, le Raptor. Il est monté pour faire un semblant de Raptor. Il peut aller faire du hors-route, mais ça reste vitesse, un RAM avec une moustache. Là. Ouais, ça suivra probablement pas. Bon, Hyundai présentait la Sonata hybride, branchable, donc rechargeable. C'est quand même bien. C'est un changement majeur pour Hyundai qui était vraiment avec le but était de faire des voitures à hydrogène. Donc on a changé un peu notre fusil d'épaule pour s'en va vers des voitures hybrides branchables et probablement électriques dans les prochaines années. On va en parler encore avec nos spécialistes électriques la semaine prochaine. Ça va être intéressant. Buick, avez-vous vu la Cascada? Non, ça criquait, tout le monde, oui. Oh, oui, Ouais, criquet. c'est ça. Tout le monde y criquait. C'est une version. Ah, oh, c'est pas la petite décapotable, ça? Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on pourrait dire rebadgé? Ouais, rebadger. Avec un nouveau logo, mettons. Relogoisé d'une Opel puis d'une une Vauxhall Cascada qui est déjà vendue en Europe depuis une couple d'années. Reste que c'est une très jolie voiture. Reste que. Oui, c'est super joli. Ben, c'est une jolie voiture, puis reste que une convertible ou une bon décapotable dans cette catégorie-là, au prix que ça devrait se vendre. Oui. J'imagine que ça va commencer à une trentaine On de la mille, puis regarde, ça elle est va très, monter. très. Elle fait pas Buick. Elle fait comme Surtout, elle Sebring. ressemble même pas Non. à un Non, autre produit de GM non. d'Amérique du Nord, vraiment. Non, c'est vraiment C'est Opel avec. vraiment. Ça me rappelle quand Saturn avait fait traverser, c'était quoi qui avait fait traverser les derniers temps, la toute petite, le hatchback. La Astra. Ouais, ça paraissait qu'elle était Oh, pas dans son élément quand on la voyait passer. Et ouais. c'est pas la bonne place pour elle. Non. Non, elle était plus belle que ce qui se faisait Oui, chez. elle était trop jolie, mais dans le paysage, Non. Ouais. elle avait un quelque chose qui c'est comme là, elle ressemble. Je la vois plus stationnée à côté d'une Peugeot que stationnée à côté d'un F-150. Ouais, peut-être. Mais bon, ça va être quand même intéressant. Oui, Il n'y a oui. pas grand-chose. Dans l'univers de la voiture décapotable, il n'y a pas grand-chose. Non, c'est assez tranquille. Donc, ça peut juste faire du bien. Puis je pense, s'ils sont capables d'y donner un prix intéressant, ben, je pense qu'ils vont en vendre quelques copies. Oh, faut rajeunir chez Buick de toute façon. Ouais, mais un petit peu, faut aller chercher une clientèle un petit peu différente. Ouais, c'est ça. On a le petit plan. Si on regarde aussi, bon, il y a eu une couple d'autres affaires qui ont été lancées. Nissan avec le Titan 2016. Porsche avec une 911 Targa GTS. L'Audi Q7 2015. Puis le Lincoln MKX. Là, bon, c'est tous des produits qui ont été lancés là-bas. Ça a été quand même un gros salon. Ça a été tranquille pour certains autres constructeurs. Il y a des choses qui ont passé inaperçues parce que Chevrolet a vraiment attiré beaucoup l'attention avec le lancement de la Bolt que personne n'attendait vraiment. Les rumeurs ont commencé à sortir la fin de semaine avant que le salon ouvre, puis ils ont commencé avec ça le lundi matin. Fait que ça a quand même pas mal attiré l'attention des gens cette voiture-là. À part de ça, ben c'est ça. Il y a Honda qui a annoncé qu'il allait turbo-compresser certains de leurs moteurs. Donc, on va avoir le droit à des versions turbo des moteurs Honda. Est-ce que ça rouvre la porte à avoir des versions plus performantes encore des Civic en Amérique du Nord? Parce qu'en Europe, c'est chose courante. En Amérique du Nord, c'est un peu plus tranquille. Donc, peut-être on va avoir le droit à une Civic SR, on va avoir le droit à quelque chose d'un peu plus punché encore que la Civic SI qui est déjà. Ma foi, assez performante, là, mais ça pourrait être quand même bien d'avoir quelque chose d'encore un petit peu plus puissant, puis qui va encore attirer une autre clientèle. Si je Ça regarde à va part de attirer une ça, partie de la même, inquiète-toi pas. ouais, une partie de la même, puis aussi une clientèle qui veut quelque chose d'un peu plus, encore un peu plus puissant. Si on regarde à part de ça, les lancements, il n'y avait pas vraiment. Bon, il y a la Alfa Romeo 4C Spider, donc la Alfa Romeo 4C. Le retour d'Alfa Romeo. Avec le toit rétractable. Moi, c'est ça. Il a été présenté aussi à Montréal. Je vais en reparler quand on va passer à travers le salon de Montréal. Mais à part de ça, c'est pas mal ça qui fait le tour pour le salon de Détroit. Là, il y avait probablement d'autres choses, mais rien qui m'a vraiment marqué plus que ça. Là, c'est pas mal ce que j'ai parlé. C'est pas mal ce qui m'a marqué. Avez-vous remarqué d'autres choses? Je sais que vous avez suivi ça un petit peu plus distant que moi, Jean-François, t'es allé au Salon de Montréal, fait que ça, on va pouvoir en parler un peu plus. Si justement on s'en va faire un tour à Montréal, ceux qui veulent y aller d'ici dimanche, Tesla a amené une Model S, donc ça vaut peut-être la peine d'aller faire un tour. Si vous n'avez jamais vu cette voiture-là en personne, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Moi, j'ai pas pu l'avoir parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais je l'ai vu cet été à un événement de mon travail. Oui, qui était le Cards for Kids. C'est ça, ouais. Ouais, il y en avait une sur place, c'est très bien. Qui a lancé le nouveau Sorento 2016? Beau VUS, bon, c'est quand même une évolution. Puis on va rajouter toute la technologie que tout le monde s'attend d'avoir dans un VUS comme ça là, maintenant. Fait qu'il va avoir les surveillances d'angle mort, puis le cruise control adaptatif, puis toutes les. Visuel habituel. Ouais, toutes les nouveaux bidules à la mode C'est ça, pour se que tout le répandre. monde veut. Donc, ça va être un beau VUS. Puis, je vais pouvoir vous en parler plus un petit peu plus tard. Je m'en vais au lancement. J'ai été invité par Kia au lancement officiel du Sorento qui se passe à la fin du mois de février. Si je me rappelle bien, c'est 23, 24, 25 février. Ça se passe au Mont-Tremblant, si je me rappelle bien. Fait que je vais être là-bas pour le lancement officiel. Fait que je vais pouvoir vous en reparler un peu plus en détail, mais que j'en sache un peu plus. Puis ça tombe bien parce que début mars, je vais avoir le Sorento 2015 pour une semaine. Fait que je vais pouvoir comparer les deux. J'ai fait exprès. Je l'ai commandé, j'ai demandé s'il l'avait, puis on m'a dit oui. Fait que je vais le rouler pendant une semaine, puis je vais pouvoir le comparer, mais que j'aille voir celui, le nouveau à la fin du mois. Mitsubishi Outlander hybride branchable, ça aussi on va le garder pour la prochaine émission là, mais ça va être intéressant. C'est juste le fait que ça sera pas disponible avant l'année prochaine qui est un peu plate. Jaguar Land Rover, ben bon, Jaguar avait vraiment rien à nous présenter. Ça vaut quand même la peine d'y aller parce que la F-Type est vraiment une des plus belles voitures à rouler sur les routes, même s'ils sont rares, là, vraiment superbes. C'est sûr qu'à ce temps-ci de l'année, ils sont plus C'est plus rares qu'à tranquille, l'automne. c'est plus tranquille. Est-ce que c'était la bleue de Kia? J'ai pas remarqué les marques. J'ai vérifié quelque chose d'autre, mais je veux dire. Je me rappelle pas quelle couleur qu'il y avait la F-Type. Moi, j'ai plus été voir les lancements. La journée de presse, c'était vraiment Ah, lancement, suivre le petit lancement, train. lancement, lancement, suivre le petit train, c'est ça. Fait que j'ai pas vraiment eu le temps d'aller voir dans le OK. kiosque, mais je pense qu'elle était blanche, mais je suis pas certain. OK, c'est pas celle-là. Puis il y avait le Range Rover présenté, le nouveau Discovery Sport, puis une nouvelle version du Evoque. Le Discovery Sport, qui est la version d'entrée de gamme chez Land Rover, puis ça va partir en bas de 40 000 piastres. Puis c'est ça. Puis on a eu la Le confirmation. Defender, je voudrais voir. Ouais, Defender pas mal plus gros, mais je pense pas qu'ils vont le refaire. Je sais pas s'ils vont faire une Il est nouvelle produit version un de ça. puits ici, puis là, il va discontinuer bien vite. Ouais, c'est ça. Je penserais pas que ça va Ça, c'est revenir. un vrai modèle méchant. Ouais, c'est un Pas truc. un SUV de luxe, là. Genre un truc d'armée, là. Si on a eu la confirmation que Jaguar s'en venait avec le F-Pace, qui va être leur VUS à eux autres. OK. Je comprends qu'ils n'ont pas le choix, mais à un moment donné, je veux dire, c'est Il va être cannibaliser basé les deux sur revendeurs. le c'était quoi? C'était le comment il l'avait L'Evoque. appelé? Il va être Ouais, basé c'est sur ça, l'Evoque. mais il avait appelé la version Jaguar de l'Evoque, je pense que le modèle X, une affaire la même qu'il avait appelé ça. C'est possible. Je l'avais vu à Détroit une autre année. Mais supposément que son nom final, ça va être le F-Pace. Oh, un beau nom. Ouais, c'est ça. Ça adapte bien français. Ouais, sûrement. C'est ça, en plein ça. Audi, bon, ils ont présenté les nouvelles A7, A6, puis la A3 hybride branchable, communément appelée e-tron. On fera pas de joke On française fera pas de là-dessus. jeu de mots, Non, non, non, non. on va s'abstenir. Certainement. On va garder notre dignité. Quand même intéressant. Ça aussi, on va en reparler la semaine prochaine avec notre gang électrique. Subaru avait rien de nouveau à présenter, mais à part un concept. Visiv 2, Visiv, c'est un concept de VUS. Ah, le CX-17 qui s'appelait le Jaguar. CX-17, ok, ça fait que ça a changé de nom, ça a l'air. Ça change toujours de nom. Excuse-moi. Bon, mais pas de problème, c'est le fun d'être pertinent. Fait que c'est ça, le Subaru Visiv 2, c'est un peu une étude de style à savoir où ça pourrait s'en aller, un prochain VUS. De Subaru. C'est pas laid, c'est quand même bien. On dirait qu'il y a deux tubes à lance-missiles en avant, par exemple. Ça fait un peu spécial. J'ai Ouais, l'impression que ça va être le c'est prochain char de James Bond. Mais intense. ouais, c'est ça. Mais autre que ça, c'est quand même intéressant. Si je regarde, bon, Porsche a présenté la Carrera GTS 2015, puis le Porsche Cayman SE hybride. Moi, ce qui m'a marqué chez Porsche, Oui, la 911 est vraiment superbe, là. Mais c'est la vidéo qu'ils ont passée juste avant de présenter la 911 avec une route sinueuse sûrement quelque part en Allemagne, puis Une route sinueuse parfaite qu'on voit jamais. ouais, c'est ça, avec le son du moteur, puis une Porsche qui passe, puis là, un autre Porsche qui attend, puis un coup, une passe, l'autre part après, puis là, t'as le son des deux Porsches qui roulent presque une à côté de l'autre ou une en arrière de l'autre avec le ça te faire redire le poil de ses bras. C'était vraiment, vraiment super. Puis c'est ça, parlant de Porsche, je pense pas que j'en ai parler sur le show encore, mais je vais vous en parler dans un avenir rapproché. J'ai été assez chanceux pour être invité au Camp 4 de Porsche la première semaine de février, donc c'est le 5 et Bientôt. 6, ouais, 5 et 6 février, je vais être à Mécaglisse pour faire le Camp 4 de Porsche. C'est grâce à M. Marc Bouchard d'Autogo que j'ai réussi à avoir cette invitation-là. Il a donné mon nom à personne de PR chez Porsche, puis il m'a contacté, puis il m'a dit est-ce que ça te tente? Puis même avant que j'aie fini de lire le courriel, j'avais déjà marqué oui dans ma réponse. Magnum MK5, une voiture québécoise de course, bon, ça ressemble un peu à ce qui se fait en Europe. Peut-être ce que Morgan pourrait faire ou KTM. Ça, KTM, qui fait des voitures pas de toit, deux places, super légères, hyper performantes. On parle une petite voiture avec un moteur 4 cylindres de 250 chevaux, puis qui a un poids à sec de 1200 livres. Fait que c'est pas pesant, ça peut atteindre 240 km/h, puis faire le 0-100 en 3,2 secondes. Fait que si ça vous intéresse, c'est une voiture qui est quand même assez jolie, ça a l'air méchant, je comparerais ça presque à une Batmobile. C'est Ça fait agressif. un peu Batmobile. Si ça vous intéresse, mettez-vous 140 000 $ de côté. C'est Oh. 139 000 de base. Mais bon, c'est une bébelle de route, mais surtout une bébelle de piste. Puis c'est une voiture qui est capable de prendre la piste, a été conçue pour ça. Fait que vous vous ramasserez probablement pas avec des freins qui boucanent et sont plus capables après deux tours. Mais c'est pas ce poids-là. Ouais, c'est ça. Fait que ça devrait être assez intéressant. C'est moins pesant qu'une Toyota Tercel, là. Ouais, c'est pour dire. Puis Ça te donnait une idée, puis on se verrait pas qu'une Toyota Tercel sur la piste. là. Non. Lamborghini qui nous a apporté la Huracan, encore nommée sous le nom d'un taureau légendaire. V10 de 602 chevaux, avec une traction Presque intégrale. l'air blasé en le disant, tu sais. Non, c'est parce Ah, que c'est d'accord. plus mon portefeuille qui crie à chaque Ok, fois que je les vois. c'est un soupir de désespoir d'entendre le bruit. Ouais, c'est ça. C'est 0-100 en 3,2 secondes, vitesse maximale de 325 km/h. J'ai l'impression que c'est probablement limité électroniquement parce que il me semble que toutes les voitures ultra sportives de même, c'est toujours 325 km/h. Mais bon, ça remplace la Gallardo chez Lamborghini. Puis vous pouvez vous en commander une pour la modique somme de 265 000 $. Si vous en voulez une, ben vous pouvez aller à Pointe-Claire chez Lamborghini Montréal. Ça a l'air qu'ils en ont en stock. Je vous dis ça de même. Moi, je passerai pas mettre mon dépôt dessus. Honda Acura. Honda a présenté le petit VUS, là. C'est la nouvelle mode. On en a déjà parlé, là. C'est vraiment le nouveau segment ultra populaire. C'est ce qui va se vendre dans les prochaines années. C'est le Honda HR-V. C'est un VUS construit sur une plateforme d'Honda Fit. Donc, c'est vraiment un petit VUS, mais c'est super beau. C'est super bien exécuté. Ça va être, bon, probablement avec le même moteur, soit que la Civic ou le même moteur que la Fit, mais j'ai plus l'impression qu'ils vont aller avec un moteur de Civic ou Civic SI. Ça va être disponible avec une transmission manuelle ou automatique si vous le prenez à traction avant, mais juste une transmission automatique si vous le prenez en traction intégrale. Ça va être intéressant. Moi, je pense que ça va se vendre comme des petits pains chauds. Puis Acura, ben, ils ont présenté la nouvelle ILX. C'est pas un changement majeur, mais ils ont changé les phares. La grille est un petit peu plus grosse. Puis l'intérieur a été un petit peu revampé. Puis ils ont laissé tomber deux moteurs. La version hybride n'est plus là. La version hybride n'existe plus. pour la ILX, qui est l'équivalent chez Honda de la Honda Civic, là. Puis le moteur 2 litres aussi a été abandonné. Fait que vraiment, le seul moteur qu'il faut avoir dans la Cura, maintenant dans la ILX, ça va être le 4 cylindres de 2.4 litres. Donc, c'est le moteur de la Civic SI. Fait que c'est le meilleur des moteurs qu'ils ont gardé, ce qui est quand même intéressant. Ford, le nouveau Edge, 2016. Encore là, c'est une évolution. Là. Le look n'est pas totalement différent de l'ancien. C'est une belle évolution. C'est un beau VUS. Va être disponible avec un 4 cylindres EcoBoost dedans aussi. Donc, nouvelle motorisation plus éco-énergétique. Là, mais on s'entend, si vous avez le pied pesant, un moteur turbo, c'est pas ça qui va vous aider à sauver sur l'essence. Il faut être poli, comme Martin dirait, avec un moteur turbo, sinon ça consomme autant qu'un V6 quand c'est un 4 cylindres turbo. Ça boue comme un truck. Ça boue comme un truck. Puis ils ont aussi présenté les nouvelles Focus légèrement redessinées. C'est pas une refonte majeure. Là. On a retouché. Moi, c'est ça. Ça donne un look un peu plus sportif. Ça fait du bien. Puis pour ceux qui se demandent, la Focus électrique a aucun changement. Là. Oui, des changements esthétiques, mais pas plus d'autonomie, pas une plus grosse batterie, pas de chargeur rapide. C'est vraiment la même voiture, mais on a changé. On y a mis un habit neuf. Puis, si vous voulez aller voir la Mustang, elle est sur place. Il y a 3 Mustangs sur place cette année. Oui, elle est belle. Elle est pas nette pantoute. J'ai pensé à la même affaire. Chez Hyundai, on a présenté la nouvelle Sonata. Puis on a aussi présenté l'Intrado, qui est un VUS... qui va fonctionner à l'hydrogène. Ça avait été présenté au Salon de Genève l'année passée. Ils nous l'ont amené à Montréal. Il était jamais venu en Amérique du Nord, ce VUS-là. Donc, Montréal est le premier à l'avoir, même pas à Détroit. Puis, on a appris aussi chez Hyundai qu'il y avait eu une entente de libre-échange entre le Canada et la Corée du Sud. Puis ça va faire qu'ils vont baisser le prix sur certains modèles. Là. Puis ça peut aller jusqu'à 1 500 $ de baisse de prix sur certaines voitures, dépendant de ce que vous prenez. Fait que c'est quand même intéressant. Quand ça coûte moins cher, on aime ça. Volkswagen, 3 modèles, la nouvelle Beetle classique. C'est une Volkswagen Beetle avec un look plus rétro. Là, fait que des jantes spécifiques au modèle. Puis juste quelques couleurs de disponibles. C'est pas vraiment un modèle remanié. Là, on essaie de donner un look un peu plus rétro. Puis la nouvelle Golf familiale Sport 2015, qui finalement c'est la Golf familiale bâtie sur une plateforme de Golf de 7e génération. Là, c'est faut vraiment avoir l'œil averti pour voir la différence. Il n'y a pas vraiment une grosse différence avec le modèle sortant. Les phares sont changés un peu plus belles, mais bon, ça reste une Golf familiale. Le reste, c'est pas mal similaire. Ils nous ont présenté un concept de VUS, le T-Roc. Je sais pas si ça va un jour voir le jour, mais c'est quand même intéressant. C'est un VUS deux portes avec des panneaux de toit amovibles, des choses comme ça. Puis c'est un plus petit VUS, c'est supposément plus petit que le Tiguan. Donc c'est vraiment pas gros. Un petit VUS à caractère sportif, peut-être. J'ai hâte de voir si un jour ça va sortir. Mais ça me surprendrait, c'est plus probablement un concept, une étude de style. Fiat Chrysler, Fiat a présenté le 500X, le Fiat 500X qui est un VUS. Ça porte le nom de Fiat 500 et c'est tout. Là. C'est vraiment un VUS. C'est construit sur la même plateforme que le prochain Jeep Renegade, qui est un petit Jeep qu'on va voir. Donc, ça s'en vient. C'est un beau VUS. C'est quand même bien réussi, genre de voir le succès que ça va connaître ici. Là, mais avec les nouveaux VUS compacts, le nombre qui en sort cette année, ça va vraiment remplir le marché assez rapidement. Ils ont aussi présenté le remodelage de la Chrysler 300. Encore là, c'est la même voiture, mais on a changé les phares, on a rajeuni un peu le look. Ça reste une 300, ça reste imposant, ça reste différent de tout ce qu'il y a de chez Chrysler à part de ça. Là. Ça ressemble pas à un Charger, ça ressemble à rien d'autre. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, mon coup de cœur du salon, la Alfa Romeo 4C. Une des plus belles voitures que j'ai vues depuis longtemps. Et c'est ça. C'est vraiment joli. C'est sexy comme voiture. Ça part à 62 000 $. Le modèle qui était montré était plus 81. Un beau petit moteur un 4 cylindres de 1,75 litres, 237 chevaux. Ça va pouvoir faire le 0-100 à 4,5 secondes. C'est vraiment joli. Si vous avez la chance d'aller la voir ou si vous avez plus de chance que moi, vous pouvez vous en payer une. Ben, félicitations. C'est vraiment une belle voiture. J'ai hâte d'en voir une vraiment sur la route. Encore là, comme avec beaucoup d'autres voitures, je ne mets pas mes espérances comme dans la Ford GT. J'ai pas vraiment d'espérance de la conduire un jour. Mais on verra. On connaît pas l'avenir. Non, je vais probablement la voir à quelque part à un moment donné, genre dans la flotte de presse pendant qu'elle attend après quelqu'un d'autre que moi. Puis pour finir, chez Mazda, ils ont présenté la Mazda 2, remodelée, donc design Kodo avec nouvelle motorisation Skyactiv et tout ça. Ça va être un 4 cylindres de 1,5 litres. Les chiffres de puissance n'ont pas été vraiment dévoilé, là, mais à peu près 113 chevaux. Là, ça n'a pas besoin d'être hyper puissant. Transmission manuelle automatique à 6 rapports. Puis aussi, l'intérieur va vraiment être Mazda 3-esque. Donc, le même genre de système de divertissement qu'est le Mazda Connect, la Mazda 3, des choses comme ça. Ça va être ça. Puis, on présentait aussi le CX-3, qui est le VUS, qui est le petit frère du CX-5. Donc, ça va être avec le moteur 4 cylindres de 2 litres qu'on retrouve dans la Mazda 3 puis dans le CX-5 de base aussi, qui va produire 155 chevaux, puis il va être disponible seulement avec une transmission automatique à 6 vitesses, puis on va avoir le droit à traction avant ou traction intégrale. Puis j'ai posé la question chez Mazda parce que je me suis fait poser la question une couple de fois. Il n'y a pas de plan pour renouveler la Mazda 5 dans un avenir rapproché, mais elle reste encore disponible au catalogue. Donc, la bonne vieille Mazda 5 va encore être vendue, sauf que il n'y aura pas de version plus récente dans un avenir rapproché. Puis, à part de ça, non, la nouvelle MX-5 ou communément appelée Miata n'était pas à Montréal, mais elle va être à Toronto. Fait que si vous voulez aller à Toronto pour la voir, mais elle devrait être là. Puis, ça couvre pas mal ce que j'avais à dire sur le salon de Montréal. Comme je disais, c'est un très beau salon. Prenez le temps d'aller le voir si vous êtes intéressé à la voiture ou si vous voulez juste passer une belle journée agréable à voir des belles autos un peu partout. La journée de presse a encore été super bien organisée. Là. C'est toujours agréable de rencontrer plein de gens. J'ai rencontré Bertrand Godin avec qui je parlais la semaine passée. On se parlait, ça fait une couple de fois qu'on se parle par Skype et par téléphone, mais on s'était rencontré une fois au salon de l'auto l'année passée, mais dans ce temps-là, c'est la première fois que j'y parlais, donc il me connaissait pas vraiment. Là, ça a été vraiment différent parce qu'on s'est parlé une couple de fois puis tout ça. Je vais probablement inviter Bertrand sur une édition spéciale du podcast où on va parler de sa carrière. Qu'est-ce que ça prend de devenir un pilote auto, comment est-ce qu'il a grandi, comment est-ce qu'il est tombé là-dedans, puis toutes les choses-là. Là, fait que je vous tiendrai au courant si ça se concrétise, mais il avait l'air intéressé à venir jaser de ça. Fait que il est vraiment, vraiment super sympathique. Puis j'ai rencontré une panoplie de journalistes, de vrais journalistes. C'est des vrais, là. Pas des comme moi, là, des vrais journalistes. non, mais quand je parle, pas comme moi. Puis t'es allé, Jean-François, qu'est-ce qui t'a marqué au salon? Qu'est-ce que tu regardais? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Ben, premièrement, je regardais pour peut-être changer ma voiture peut-être dans la prochaine année. C'est sûr que mon budget est un peu restreint, alors j'avais un petit budget à respecter. Fait que t'as passé tout droit chez Audi, chez Mercedes, puis chez BMW? Le pire, c'est que j'ai passé tout droit, pas parce que j'ai pas pu les voir, parce que j'avais comme un petit bonhomme de 3 ans qui était un peu tanné, je pense, d'être là. Il capotait vraiment parce qu'il aime beaucoup les voitures. Okay. Mais ce coin-là, on l'a comme vu rapidement. Fait que j'ai comme passé. De toute façon, on s'est dit, ben, les Mercedes, on peut pas s'en avoir une. Fait que, ouais. Si tu dois. Au début, j'ai passé devant le kiosque de Kia. J'avais des préjugés envers cette marque-là. Tu devrais pas. Je dis que ça a vraiment viré de bord quand j'ai embarqué dans la Forte. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. C'est vrai, tu devrais aller lire sur Kijiji, il y a un gars qui écrit des articles, puis je pense qu'il a fait toutes les Fortes d'un coup. Ouais. Tu devrais aller lire Ah ouais, ça. je vais aller lire ça d'abord. On appelle ça se plugger de manière extra cheap. Puis j'avais aussi des critères aussi. Il y a le prix aussi, mais aussi, vu que je suis un fan de techno, j'aime bien ça quand il y a beaucoup de techno dans la voiture. Puis la Kia Forte, ben, elle était un peu de mon genre un peu, j'aimais beaucoup ça. Après ça, c'est sûr que j'ai passé beaucoup de temps dans le kiosque de Chevrolet parce que je suis un vendu Chevrolet. Alors, j'ai beaucoup examiné la Corvette, la nouvelle Corvette. Ouais, ça ressemble à une Forte, ouais. Ouais, mais ça, c'est Sinon, pas dans mon budget, ça. Je peux pas m'en payer une, par exemple. non, non, moi non Non, plus. non, non. Je peux en conduire une, mais c'est pas à moi. Fait que je peux pas trop en avoir une pour ça. Mais j'ai aussi un petit peu essayé les camions Chevrolet, vu que toute ma famille en a un, puis j'aime vraiment ça aussi. Disons qu'il n'y a pas vraiment de changement comparativement aux autres modèles des années précédentes. Hein. C'est pas mal le même intérieur, puis tout ça. Ça n'a pas trop changé. Mais je l'ai essayé, le Colorado, puis j'ai vraiment trouvé que c'était petit, mais très petit, là. C'est un format de poche, là. Ouais, ok. Même le système de divertissement, il est format de poche aussi. Il est très petit, comparativement aux autres camions de la gamme GMC. Ok. Fait que j'ai essayé, tu sais, j'ai pas. Avoir un camion à Montréal, c'est comme impossible, là. Je veux dire, j'ai pas de place pour C'est un stationner peu ça. tiré dans le pied. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de place pour stationner ça dans la rue. Puis, j'ai essayé la Cruze, vu que la Cruze, c'est la suite de la Cobalt. Puis, j'ai vraiment pas aimé ça, mais vraiment pas aimé ça. J'étais comme. Non, c'est comme un peu. Le dedans, je trouve que c'était un peu. Excuse le terme, mais BS, là. J'ai pas aimé ça. C'était comme un peu dans l'ancien. J'ai pas aimé l'intérieur comme c'était fait. Ok. Alors. Puis j'ai essayé la Malibu, puis je suis tombé en amour avec la Malibu, qui est le modèle plus gros que la Cruze. Ouais, c'est le modèle Pas la même au-dessus. gamme pantoute, là. Non, c'est le Non, modèle c'est ça, au-dessus. C'est on va dans le. un petit peu plus luxueux. Ouais, fait que ça. Puis le prix, ben, ça valait la peine aussi. Puis la Malibu, là, celle qui était là. Ok. Fait que elle fait partie de mes choix. Mais c'est sûr que la Cruze, c'est. Non, c'est zéro, là. Non, c'est fini. C'est pas dans Hein. ton, c'est pas dans, elle pas sur ta liste. Vraiment plus dans ma liste, là. La valise, là, on peut rien rentrer dedans. Fait que c'est comme la Cobalt, c'est le même problème, là. Fait Ok, que. moi j'avais pas trouvé si pire que ça. J'avais trouvé que c'était quand même une voiture qui était bien, là, mais OK. ouais, mais Fallait que tu sois dans... gentil, tu te l'étais fait prêter. Non, si c'est pas bon, c'est pas bon. Là. Mais non, j'avais bien aimé la version diesel, j'avais eu puis tout ça. J'avais trouvé que c'était bien correct. Là. Mais regarde, chacun ses goûts. Là. On peut pas tout aimer la même affaire. Mais quand tu as eu Enfin. une Cobalt, tu as peur de tout ce qui y ressemble, de près ou de loin. C'est pas C'est un peu ça comme le un problème. Chevrolet Cavalier. Tout ce qui est près ou loin, tu en as peur et tu t'en éloignes. OK. Ouais, puis C'était énervé. vu que c'est la descendance, peut-être. OK. Ouais, j'ai eu Oh, peur. oui, c'est du moment que tu as l'impression de voir un gène parent, tu t'enfuis. C'est OK. une tare génétique que JM a, c'est tout. Ouais, peut-être. Puis à part de ça, si on Puis, continue. il y a une voiture que ça, je pourrais jamais la payer. C'est la Toyota pour celle qui est utilisée aux 24 heures du Mans. OK. Celle-là, c'est la première fois que j'en voyais une de mes vrais yeux, en vrai. Puis je me suis dit, faut vraiment pas être claustrophobe pour embarquer là-dedans. Parce que le cockpit est vraiment petit. Là. À la télévision, on pense que c'est gros. Mais en vrai, ouf, faut vraiment pas que tu sois gros pour embarquer dans cette voiture-là. OK. Pense 100 livres mouillés, puis pas Ça plus. rentre plus. Ça OK. rentre Comme un gant. plus. Elle est vraiment belle, par exemple, mais c'est juste qu'elle est petite. Elle est pas si grande que ça. Vraiment pas. Ça doit pas OK. être super confortable non plus. Non. Puis le pire, c'est qu'ils conduisent pendant 3-4 heures de temps, là, sans Ah, arrêt. ça, je te dirais, j'ai déjà conduit des camions qui étaient tout sauf confortables pendant des 10, 12 heures, 14 heures, 15 heures. C'est pas un problème. Ouais. Tu t'habitues à tout. Ouais, t'es habitué à tout. Puis, à part de ça, j'ai essayé la Golf, puis ça non plus, ça a pas. Non, j'ai pas aimé ça non plus. Ah, Mais voyons, t'es donc bien chialeux. je quitte ce plateau. Il est Quand donc bien même. chialeux, toi. Hey, voiture de l'année. Qu'est-ce qui te prend, Beaulieu? C'est J'ai aimé le dedans tout, c'est juste le prix qui m'a un peu. Ah, oui, Ça, c'est c'est la. différent. Okay, parce que C'est tu le vas à la prix même qui m'a place que tout le reculé. monde. Ouais. Moi aussi, j'aime bien l'intérieur puis l'extérieur de la Lamborghini Aventador, mais le prix me rebute un peu. J'ai trouvé vraiment belle. Puis, une petite anecdote, j'ai essayé la Passat décapotable rouge. Puis, ma copine a comme insulté le vendeur de Volkswagen pendant que je l'essayais. Ah, ok. Elle a dit que c'était un véhicule de fille. C'était un char de fille. Ok. La Passat, En puis le quoi ça vendeur, il explique avait le pas l'air vendeur? trop aimé ça. Ah, ben, ok. Il essaye de la vendre, lui, hein, qu'à se la fermer puis à attendre. Tu sais, ben, ça ressemblait un peu à un char de fille, le Passat décapotable. C'est. Mais bon. Ben, regarde, une Beetle puis une Beetle décapotable, c'est supposément des chars de filles Ouais. aussi. Je sais, mais tu sais, la Golf, quand il faisait une Golf décapotable, tout le monde classifiait C'est ça un comme une char de char de fille filles. aussi. Fait que c'est ça. Exact. Aussitôt que le toit s'enlève, on dirait que c'est un char de filles. Miata, Ouais. tout le Fait monde dit que c'est un char de filles. c'est ça. Mais si tu veux une convertible, à un moment donné, c'est ça. Là, à part t'acheter une Mustang décapotable, ça a tout l'air des chars de filles. À un C'est moment ça, donné, je veux bien. c'est Si tu ça. veux pas de Mustang, t'es faite. C'est ça. Mustang et une Camaro. Hein? Pas de convertible pour toi. Ok, puis j'ai pas pu aller voir le kiosque de Mazda puis de Hyundai. Ça, c'est deux marques que j'aurais peut-être voulu aller plus voir, mais la Mazda, ma soeur a une Mazda 3 l'année dernière, alors puis je l'aime vraiment beaucoup. Fait que ça, j'ai dit bon, ben ça peut-être pas la peine que j'aille visiter les Mazda. Fait que. Ouais, c'est un bon choix de Mazda 3, moi aussi, je l'ai bien aimé. Puis j'ai bien aimé la Challenger. La couleur de la Challenger. Ouais, J'ai été voir c'était. un Mazda 3, puis ensuite j'ai été voir un Challenger. C'est Je vrai qu'on parle du même genre de suis véhicule. même, je ne suis pas. C'est un ou l'autre. Je suis dur à comprendre. Vraiment dur Moi, à je veux comprendre. un Dodge Ram ou une Smart. Ouais, un des deux. Ben, j'aimerais les J'aimerais. deux pouvoir mettre la Smart dans l'arrière du Dodge Ram. Sûr que non, mais la Dans Smart devrait boîte. rentrer dans le gros camion Ram blanc là, pour les entrepreneurs. Là. Je pense qu'elle devrait rentrer là. Ouais, sûrement. Elle Les était entrepreneurs ou les très gens très gros. complexés. Peut-être deux même. L'un dans Okay. l'arrière de l'autre. OK. Y a-t-il d'autres choses qui t'ont marqué? Pas vraiment, mais il y avait trop de véhicules à voir. Là. J'en ai perdu des bouts là. Ouais, à un moment donné, il faut que tu passes une Bon, ben, journée frustrant pas, complète il y si en tu a veux plein qui pouvoir. méritent pas d'être vus là-dedans de toute Ah, façon. ça aussi, normalement, sont loin d'un kiosque des. La Cruze est comme perdu du temps à voir ça quand j'ai vu. Pourquoi j'ai vu ça? Non. J'ai comme de scraper 5-10 minutes de ma vie. Ouais. C'est exactement ça que je me suis dit. Oh, mais il y a bien pire qu'une cruise d'envie, mais je comprends. Pour avoir déjà eu un Pontiac Pursuit, tu sais, je comprends. Mais Ouais. j'ai vraiment aimé ça parce que c'était la deuxième fois que j'allais dans un salon d'auto puis j'ai adoré ça là. OK. Ouais, c'est intéressant. C'est le fun d'aller voir parce que tout est à la même place. Exactement. Fait qu'on va rappeler ça là-dessus. Ça fait assez longtemps qu'on jase. Ouais. Donc, messieurs, si les gens veulent vous rejoindre, comment fait-on cela, Martin? Oui, par signaux de fumée. Ah, ça marche encore, ça? C'est bon. Ou sinon, non, sur la plupart des réseaux sociaux, par mon nom, Martin Sagala. Super. Toi, Jean-François? Ben, sur Twitter, JeffLiaU, puis tranquillement, j'étais en train de peut-être réanimer mon blog à jeffbeaulieu.ca, peut-être. En train d'y penser de C'est peut-être faire de indispensable. quoi avec ça. Éventuellement, un jour, peut-être. OK. Exact. C'est ça. Parfait. Si vous voulez me rejoindre, bien, sur Twitter, c'est @scalazormo. Puis il y a aussi, si vous voulez me rejoindre sur, ben ça, Scalazormo, là, vous pouvez m'écrire, il y a le podcast auto à gmail.com comme adresse courriel. Il y a le site du podcast auto qui est podcastauto.com. Podcastauto.ca, excuse-moi, je me mélange à mes propres sites. Puis, c'est ça, si vous voulez me lire aussi, ben, je suis sur le blog de Kijiji Auto, frkijijiblog.ca, dans la catégorie véhicules. À chaque semaine, je mets un nouvel article en ligne. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour une autre semaine. Et ben, là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Puis, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on se fait un petit spécial de voiture électrique avec Simon-Pierre Rioux. Puis avec Philippe Louis XVI d'Éco-Location. Donc, merci, puis à la semaine prochaine. Bye. Bye. Salut, là.